Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Je pense que pour la première fois, Winamp va avoir eu un clic sur le mot acheter. Tu sais, sur Winamp, t'as un truc acheté, là. Personne clique dessus, là. Ouais, j'ai cliqué super erreur. Hey, bonjour, bienvenue à Assemblage Requis. C'est lundi 21 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et pour les 5 prochaines semaines, François-Louis Marchand est en congé de paternité, donc il est allé nous pêcher. Jean-Philippe Charbonneau, bon matin. Hey, bon matin. Tu parles d'une excuse, ça, pas venir pour être papa. Hein? N'importe quoi. Les jeunes aujourd'hui. Où va le monde? Hey, donc, bon matin à toi. Et j'ai entendu dire que tu avais passé un mauvais matin. J'espère que ça continuera pas. Là. Je te dirais pas mauvais matin, mais je dirais un matin rock'n'roll, rocambolesque. Okay. Donc, je sais pas, écoute, j'en aurais pour des heures et des heures, puisque je suis levé depuis 10 minutes. Mais écoute, tout y est passé, tout est tombé. J'ai perdu mes lunettes, je trouve plus mes mitaines. Il fait un froid de canard dehors. Et puis, quand je suis arrivé pour partir, j'ai pris un petit biscuit. Et puis, j'avais les mains un peu collantes. OK. Puis là, je me suis... De la veille, j'imagine. Oh, non, c'est ça. C'était mon petit biscuit qui m'a laissé des petites miettes en main. Okay, donc, tes mains étaient collantes à cause du biscuit. Oui, c'est ça. C'est vraiment un lien de cause à effet, là, ici. Le biscuit et les mains collantes. Et là, bon, c'est ça. T'es bon train. Je me dis, je vais me laver les mains pour être propre pour ma première de remplacement de François-Olivier. Faut être beau à radio. Ben oui, c'est ça. C'est important. C'est bien connu. Et puis, quand je suis arrivé pour mettre ma main en dessous de l'évier, c'est ma manche qui est rentrée dans le robinet. Donc, j'avais le manteau tout trempé. Donc, ça, c'est une de mes grandes expériences du matin. Mon auto est restée aussi à Trois-Rivières. J'ai eu à la déneiger, pas de mitaine. Et voilà. Puis ce matin, tout tombe, donc j'espère que rien ne brisera ici aujourd'hui. Les micros ont tendance à tomber souvent, donc oui, j'en ai eu l'expérience une couple de fois dans le front. Donc, Jean-Philippe Charbonneau, on le connaît des melons miel sous Bruxelles. Est-ce que tu me dirais que t'es melons miel sous Bruxelles, dépendant des jours? Ah ben, on l'a jamais démystifié. Okay. En fait, avec mon collègue animateur Alexandre Laramizouki, on s'est toujours fait demander, bon, c'est qui le melon, c'est qui le miel, c'est qui le melon miel? Et puis, ben voilà, ça dépend des jours. Oui, ça dépend si on se sent plus sucré ou plus sweet. Je sais pas. OK, celle-là. C'est comme la célèbre sauce là, sucrée et sucrée. Hein, oui, c'est ça, exactement. Aigre et aigre. Douce et douce. On aime ça. On va commencer l'émission en musique tout de suite avant de continuer, mais je vais vous parler quand même du plan de l'émission d'aujourd'hui, parce qu'on a plein de bonnes choses de prévues. Je regarde ça, mon plan est détaillé à mort. Là. On va commencer avec C'est un fait. Ben oui. Évidemment, apprendre des choses, c'est la mission éducative de l'émission. Simon Fitzbé va être là à 7h30 pour sa chronique « Si mon humeur vous déplaît ». Et j'ai dit sur Facebook, dans mon petit plan de l'émission, j'ai dit qu'il allait chialer. Mais oui. Il m'a corrigé. Il a dit « Non, je préfère dire que je chronique ». Oui, mais c'est bien dit. Spécifions qu'il va pas nécessairement chialer. C'est pas mon mauvais matin, c'est mon matin rock'n'roll. C'est pas pareil. Tout est c'est une ça. Question de perception. C'est peut-être des synonymes pour certains, mais non. Oui. À 8h, Véronique Mire et sa collègue du bureau de la réussite étudiante. À 8h30, c'est Alexandra Carignan et le temps d'une culture. On a besoin d'une zone de culture, hein? Oui. Oh, pour être culturé. Ah oui. mais c'est ça, on va commencer avec deux pièces que tu nous as aidé à choisir, en tout cas. Ben oui, ce matin, sur le fly, là, je regardais un peu le palmarès que moi, j'aime bien regarder aussi. Ouais. Disponible sur C'est fou, en plus. Évidemment. Et puis, j'avais envie d'Olinéa, j'avais envie de Rouge Pompier. Je me suis dit, bon, ça va faire un petit clash, tu sais, ça va être une petite musique tranquille. Ben, pas tranquille, mais qui pas rock. Pas tout à fait tranquille. Non, c'est ça, mais qui rock. Puis après ça, on va y aller avec une bonne toune rock. Là, ça va bien réveiller le matin. Oh yeah. Tout le monde va être content. On commence avec l'échiquier sur le palmarès francophone. Voici Olinéa. Assemblage requis. Yeah. Anne Dorval, j'ai la télé HD dans mon salon. C'est à cause Anne Dorval que j'ai le goût de devenir un rebelle. C'est à cause Anne Dorval que Pete de chambre en ville, c'est une nouvelle. La seule actrice, Réjean Tacane, qui peut te faire applaudir, t'as rien de l'âme. Comme un idiot, dans une mission, comment tu sais pas, mais c'est Anne Dorval. C'est violent, ça? Ah, réveillez-vous, Trois-Rivières. Bon matin, bon matin. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas laide, Anne Dorval. Ah, on va se dire les vraies affaires. Et quoi? Elle n'est pas laide. Elle n'est pas laide du tout. Non. Rouge Pompier, Anne Dorval, chanson qu'on adore. C'est un nouvel extrait du palmarès francophone. Et puis, ça fait la job. Oh oui, ça réveille. Ça réveille. Moi, j'aime ça. On va entendre d'autres Rouge Pompier toute la semaine parce que tu aimes bien ça, puis moi aussi. Oh, ben écoute, on va y s'entendre. Ça sera pas un 5 semaines où il va y avoir des cheveux partout là, quand les prochains vont arriver dans le studio. Non, il n'y aura pas de griffes. t'en as plus à perdre que moi, je pense. T'en as long. Oui, c'est vrai. Là, on ne parlera pas de 5 semaines pendant 5 semaines, là, comme s'il y avait un décompte jusqu'à temps que tu t'en ailles. Là. Ah, ben hein? Là, moi, je me réveille tout le matin là, maintenant. Là, fait que moi, il y a un décompte. Bon, OK. Non, c'est pas vrai. Contre les jours de sa sentence, on sait bien. Ça fait plaisir d'être ici. Donc, est-ce que tu es prêt pour la collecte? C'est un fait? Ben oui, c'est un fait. Parce qu'on va apprendre des choses. Ben oui, c'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. Et puis, j'ai reçu de la part d'un auditeur, une liste de 45 quelques faits les plus insolites. J'en ai déjà fait la plupart, je vous dirais, mais il y en a des nouveaux là-dedans. J'avais envie d'un petit peu parcourir cette liste-là grâce à un auditeur, Simon. On le salue. Ben bonjour, Simon. Bonjour, Simon. Savais-tu que Jim Cummings, qui est la voix de Winnie the Pooh, appelle des enfants qui sont malades à l'hôpital et leur parle, mais dans le rôle du personnage? Ah oui. C'est fin fort. Oui. Ouais. Au milieu des années 60, il y avait une Barbie qui s'appelait Party Pyjama Barbie, qui venait avec un livre qui s'appelait Comment perdre du poids, et un des trucs était Mange pas. Non, ben voilà. C'est simple quand même quand on y pense. Oui. La première webcam, ça aussi on a déjà parlé, mais c'est intéressant. La première webcam regardait une cafetière. Donc ça permettait aux chercheurs de l'Université de Cambridge de vérifier leur café s'il en restait dans la cafetière sans avoir quitté leur bureau. Ah, et peut-être aussi de critiquer la personne qui ne le refaisait pas. Ah ah ah! Il l'avait pas à la cafetière en chèque. Voilà. Une croûte, là. Ah, mon Dieu. Lorsqu'on lui demandait la vitesse du son, Einstein, disait « J'ai pas cette information-là dans ma tête parce que de toute façon, elle est dans les livres. J'ai pas besoin de la retenir. » Tu vois, c'est pas fou, ça. Oui, à marquer dans son prochain examen. Et voilà. Pas besoin de savoir la réponse. Hein? Les carnets de Marie Curie sont toujours radioactifs. Encore aujourd'hui. Oui. Ouais. L'auteur de Hunger Games, Suzanne Collins, écrivait pour l'émission Clarissa Explains It All. C'est une émission pour enfants sur Nickelodeon avec la fille qui joue dans Sabrina l'apprentie sorcière. Mais Hunger Games, l'auteur, elle écrivait pour ça. Pas le même niveau. Ensuite, lorsque les aéroports ont ajouté, en fait, on commençait à avoir des codes, des standards pour le. Dans le fond, c'était un code en 3 lettres. Les aéroports qui avaient déjà 2 lettres ont fait qu'ajouter un X. C'est pour ça qu'on a l'aéroport LAX. C'est l'aéroport de LA. Bon. Oh! Il existe un mot, on en cherche souvent des mots qui riment avec orange. Il y a un mot qui est sporange, qui rime avec orange. C'est un terme botanique, je peux vous dire ce que ça veut dire, mais c'est un terme botanique. Dites-le. C'est un terme botanique. Sporange. Sporange. Le site web de Space Jam, tu sais, avec Michael Jordan. Oui. Existe encore. Ah oui. C'est très beau, c'est. Puis très bon film aussi. Oui, ben oui, oui. Les deux font très années 90. Oui, très. Ensuite, Margaret Thatcher. En 1979, le Japon lui a offert, en fait, à la première ministre britannique, Margaret Thatcher, 20 Karate Ladies pour la protéger lors d'un soutien, un sommet économique. Elle a refusé des Karate Ladies. Ta-da! Oui. Ah! Comme des ninjas. Toutes des Kid Bill. Avant de lancer Gmail, de la part de Google, Gmail était le nom d'un service de courriel gratuit sur le site web de Garfield. Ça s'appelait G. Garfield. Pendant la guerre froide, les États-Unis ont pensé à laisser tomber un paquet de condoms avec comme étiquette dessus « medium » sur les soviétiques. Je sais pas si c'était pour les insulter. Des condoms « medium » au lieu de « super size », je sais pas. Le Kentucky, ils ont changé le logo des Wildcats, une équipe de sport, en 1994 parce que les gens disaient que la langue de la mascotte était trop phallique. Et si tu vas voir sur assemblagerequis.com, en effet, c'est phallique. On reconnaît tous la forme, j'espère. ensuite, ah, tiens, il y a un parc thématique, un parc ou un genre de parc, là, bon, dans le New Jersey, qui a envoyé des crash test dummies dans sa glissade d'eau, OK? Et les dummies sont toutes sorties sans leurs membres, finalement, tellement c'était violent. Puis les gens se promènent là-dedans. Oui. Sans... Aucune question posée. Aucune question. Il n'y a rien là. Voyons non. Voyons non. Allons-y, des faits qu'on va comprendre ici. Je pense que certains le savent, mais ceux qui ne savent pas vont être bien heureux de l'apprendre et vous n'allez pas pouvoir désapprendre ce fait-là. Une fois que vous allez voir ça, c'est dans votre tête pour toujours. Tu sais, dans Mario Brothers, le Super Mario Bros, là, oui. Nintendo, les petits buissons verts, c'est dans le fond le même dessin que les nuages, mais pas la même couleur. C'est ça. J'avais déjà vu ça et c'est vrai qu'après ça, la magie est partie. Ouais. Donc, encore dans la petite liste de faits là, que je vois que la plupart, j'ai déjà fait, mais quand même, on continue. Il y a des fruit flies, c'est des mouches à fruits, là, qui sont infectées. Lorsqu'ils sont infectés par un parasite, ils vont eux-mêmes se donner presque du médicament en buvant de l'alcool plus élevé pour essayer de tuer le parasite. Ils vont s'auto-médiquer. J'aime ça, c'est bien, c'est bon à savoir. Ouais, c'est pas fait. Jusqu'à temps que le café soit populaire, la bière était le breuvage de choix aux États-Unis. Dans certaines parties des États-Unis, les gens buvaient de la bière. Oh, quelle chose stupide. Okay, ben. En 1493, oui, Christophe Colomb pensait avoir vu des sirènes. Il disait ils sont pas aussi jolis qu'on le croyait parce qu'ils ressemblent à des hommes. Mais c'était des manatees, tu sais, l'animal manatees. Ça a une face qui ressemble peut-être à un homme vu de loin, je sais pas. Taco Bell est nommé en hommage à son fondateur Glenn Bell. Okay. Ensuite, les premiers guichets automatiques étaient des échecs complets parce que ses seuls utilisateurs, en fait, à ces guichets automatiques-là, étaient des prostituées et des gamblers qui ne voulaient pas parler à de vrais caissiers ou caissières face à face. Ouais. J'ai de la misère à enlever ceux que je trouve pas intéressants ou qu'on comprendra pas. Judge Judy fait 45 millions de dollars par année. Intéressant. La girafe mâle va déterminer la fertilité d'une femelle en goûtant à son urine. Et si elle passe le test, ben, elle continue à closer. Ah ben... Bon, ça marche. À ne pas faire à la maison. Non, c'est ça. Le ténor Luciano Pavarotti, son contrat standard demande à ce qu'il n'y ait aucun bruit ou encore aucune odeur distincte proche de l'artiste. Il ne faut pas qu'il y ait de mauvaises odeurs. Ouais. Et Cookie Monster n'a pas changé son nom. En 2012, il disait « Il faut arrêter de penser que je vais changer mon nom pour Veggie Monster parce que ça va ruiner ma réputation. » Il y avait des rumeurs qui disaient que Cookie Monster a changé de nom pour Veggie Monster. Ce n'est pas vrai. Et en hommage au Cookie Monster, on écoute Tom Waits parce qu'il a la même voix. Voici Get Lost. I don't wanna feel all cooked up. I feel like I'm on the chain. I got my ride all souped up. We're never coming back again. Diamonds don't mean nothing. Money makes even less. Don't bring nothing, baby. You're better than all the rest. I wanna go get lost. I wanna go get lost. I wanna go get. I wanna go get lost. Yeah. Oh, when you wear that real tight sweater, you know I can't resist. It's been that way forever, baby. Ever since we kissed, pull down all the windows, turn up the Wolfman Jack. Please, please, love me tender. Ain't nothing wrong with that. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost, yeah. Let's go get lost. I wanna go get lost, yeah. babe. I'm never gonna be without you. Dropping off in Philly with hot tests. Think about it, what you gonna tell your boss? Think about it, what you gonna tell your boss? Think about it, what you gonna tell your boss? Think about it, what you gonna tell your boss? And get lost. I just don't wanna get lost. I just don't wanna get lost. I wanna get lost. I just don't wanna get lost. I just don't wanna get lost. I just don't wanna get lost. I wanna get lost. I just don't wanna get lost. I just don't wanna get lost, baby. All I know, all I know, all I know, all I know. J'ai pas d'amour, mais c'est tout pas de. J'ai rien de ça. Fais rien de moi. Il n'en fait de moi. Quoi, ma mielou? Nos palmemos. On verra, I won't be given lost. Alain Cookies, Alain Cookies, Cookies. Ah oui, le responsable de ma tâche sur mes doigts ce matin. Et bah, tu sais, j'ai dit que je voulais pas dire le mot de tâche. Mais en tout cas, tu sais, pour ceux qui veulent faire des liens, là, j'avais les mains gommées à cause d'un cookie ce matin. Bon. Je pensais que c'était parce que t'es un grand fanatique de marionnettes, puis fallait que tu t'insères la main oui, dans bien des choses. Mais... tous les matins, moi, c'est Cookie Monster voilà. Dans ma main. Toujours cet fait à Assemblage Requis. On fait une petite section technologique maintenant. Les cartes musicales, tu sais, que tu trouves et qu'il y a de la musique dedans, là. Oui. Ça a plus de puissance que l'ordinateur le plus puissant d'il y a 60 ans. Il y a plus de puissance. Dans le fond, c'est fait plus fort. Il y a plus de force là-dedans que les ordinateurs d'il y a 60 ans. Ah, ma grand-mère l'a toujours dit. Les satellites qui doivent maintenir une position spécifique au-dessus d'un certain endroit, okay, doivent être à 35 786 km de distance et doivent voyager dans la même direction que la rotation de la Terre pour suivre l'endroit à 35 000 et plus km. Tokyo Tsushin Kyogo. OK. Oui. C'est une compagnie qui a rencontré bien de la résistance lorsqu'ils ont changé leur nom pour devenir Sony. Une compagnie japonaise n'avait jamais utilisé de lettres comme dans notre alphabet. L'alphabet... évidemment, l'alphabet. L'alphabet. L'alphabet. notre alphabet. Donc, Tokyo Tsushin Kyogo a changé de nom pour Sony. Très bon coup marketing. Bravo! Quatre lettres, hein. C'est pas mal mieux que je sais pas combien. Oui, 32. Imprononçable. Le logo de Google n'était pas centré sur leur page d'accueil avant le 31 mars 2001. Est-ce qu'il était décentré ou est-ce qu'il était à gauche? Je sais pas, j'imagine qu'il était au moins à gauche. Un logo qui est très simple, hein, d'ailleurs. Mais coloré. Oui, tout à fait. Enfantin, oui, certains diraient. Mais il a été amélioré, on dirait qu'il est comme plus rond, plus cute depuis quelques temps. Mais si je peux me permettre, dans l'actualité cette semaine, cette semaine ou ce mois-ci plutôt, parce qu'il sort à chaque mois, il parle de la simplicité du logo de Google et de son effet positif, que c'est le meilleur coup marketing, c'est la simplicité. C'est vraiment ça, parce que là, c'est beau le flaflap, les ombrages, ouais, les contours, là, ça va faire. Hein. Et le plaisir qu'on peut avoir quand il y a des petits jeux. Oui, des jeux, c'est rare, mais le petit Google Doodle à chaque jour... On a du plaisir. On a du plaisir, mais c'est comme... C'est plus très spécial, non? Non, c'est vrai. Parce que moi, j'en parle plus à l'émission. C'est rendu plate, là, tout le monde le fait, non? Ben moi, c'était la petite Zamboni là, que j'ai aimé. Ça a été mon... Heureusement que j'ai eu ça. Je me rappelle encore du Pac-Man. Oui. Quand il y avait des Pac-Man. Oui, c'est ça. L'utilisateur d'ordinateur moyen va passer plus de temps à toucher son clavier d'ordinateur que son mari ou sa femme, copain, copine. Plus de temps sur le clavier d'ordinateur. Je pense que c'est logique. Oui. Un homme de 83 ans s'est fait transplanter une mâchoire qui a été créée avec une imprimante 3D. C'est un peu plus là. Imprimante 3D qu'on a parlé à Benoît-Michel-Roussel. Toute une chronique. Oui. Ben, toute une émission. Ben aussi. Oui, aussi. Pendant ces 30 premières années, Apple s'appelait Apple Computer Inc. Ils ont abandonné le mot computer pour devenir Apple Inc. en 2007. Bon. Ils font pas mal plus que des ordinateurs. Motorola a trouvé son nom quand ils ont commencé à fabriquer des radios pour les voitures. Une compagnie très populaire de radios à l'époque s'appelait Victrola. Donc, eux, ils se sont appelés Motorola. Moto pour moteur, j'imagine Rola pour... Là. Pour le... Ouais. C'est ça. Un homme a mis aux enchères son nom pour 45 000 $ et pour la prochaine année, il va s'appeler JasonHeadset.com. Headset.com pour des écouteurs.com. Super. StarCraft est le premier jeu à avoir été envoyé dans l'espace. Il a été envoyé le 27 mai 1999. StarCraft. Okay. On estime que plus de 80% des messages courriels à chaque jour sont du spam. Bon. On s'attendait pas à moins que ça. Non, agrandir votre... les employés temporaires chez Microsoft reçoivent une adresse courriel avec un trait d'union avant le A commercial. Donc, on appelle dans le fond, c'est leur nom, trait d'union, A commercial, et puis Microsoft, peu importe. Là. Donc, on les appelle des Dash Trash à l'interne. Oh, c'est pas fin, là. Non. Franchement, Dash Trash. Google loue des chèvres pour dans le fond, passer la tondeuse, si on veut. Ils disent que c'est plus beau à regarder qu'un paquet de tondeuses. Donc, ils regardent les chefs brouter leur gazon. Oh, c'est cute. Ils ont un problème de braconnier, j'ai entendu dire. Ah, peut-être. les adolescents passent en moyenne 31 heures par semaine en ligne. 31 heures. Bon, pas mal, plus, pas mal moins que moi, mais quand même. Vous avez des comptes à manger. Une école dans le Texas force leurs étudiants à porter des tags RFID là, dans des trucs comme on met sur les animaux de compagnie là, pour suivre leur dossier médical et suivre leur déplacement. Donc, eux, c'est pour savoir si les gens se présentent à l'école. Et un étudiant a poursuivi l'école, mais une cour a dit qu'elle devait porter ce tag-là ou encore transférer, changer d'école complètement. L'école a le droit de forcer les étudiants à porter ça. Oh bon! Pas sûr qu'on aimerait ça l'écouter. Non, moi non plus. Et quand même. iTunes 1.0 est sorti le 9 janvier 2001. Ça fait 12 ans et quelques jours à peine. Donc, iTunes 1.0 pour les fanatiques d'iTunes. C'était pas pareil visuellement. Non. Mais bon. Et dans les années 80, Apple était tellement inconnu au Japon que les camions réfrigérés étaient utilisés pour livrer leurs paquets. Et les gens pensaient que c'était des boîtes de fruits quand ils se faisaient livrer. Parce que c'était écrit Apple dessus. Ah, oh, ben c'est quand même cute. Ça va faire. Ils sont tellement naïfs. Naïfs. Ouais. C'est sûr. C'est comme les mouches à fruits, peut-être. Hein? Oui, peut-être. Pour aller se gaver d'alcool pour oublier. Pour oublier. Voilà. C'est tout pour cet fait pour aujourd'hui. C'était correct. C'était moyen. Comme chronique. Pas grave. Je me suis dit, je vais commencer mon lot avec des affaires que tout le monde connaît déjà. Ah ben moi, j'ai appris. T'as appris? Oui, j'ai appris beaucoup. Tant mieux. Moi aussi. Fait que maintenant, je suis moins niaiseux. T'es moins. Ben. Plus intelligent, parce que moins niaiseux, ça fait comme si t'étais très niaiseux. Puis je veux pas t'insulter de ta première émission. Au fond, ce serait pas correct. Ça serait pas correct. Pas correct. tout à l'heure, si mon FaceBay, sa chronique, si mon humeur vous déplaît, mais pour l'instant, on écoute Crystal Castles. Oui, ça va être excellent. Plague. Allons-y. Bro. C'est pas des blagues. Blagues. C'est pas des blagues. Blagues. Plague. Blague. Ouais. Je vais me réveiller. Oui. Ça va juste aller mieux dans la deuxième heure. Et voilà. On est prêts. Au retour, ça sent la coupe, non? Sûrement pas. On parle de hockey avec Simon Fitzbé. Et si mon humeur vous déplaît, pas de chialage. Non, non, une chronique. Oh, c'était beau, ça. Oh, oui. Rassemblage qui pour toi aujourd'hui. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous écoutez Assemblage requis jusqu'à 9h. 7h33 minutes à Assemblage requis, toujours avec Jean-Philippe Charbonneau. Et oui, moi-même. Et Mathieu Plan. Lui-même. Oui, lui-même. Est-ce qu'il est vraiment lui-même? Ah, ça, on ne saura jamais. Simon Fitzbé vient d'arriver en studio pour chroniquer un peu avec nous. Hein. Il aime ça, utiliser le verbe chroniquer. Moi, dans le temps qu'on faisait des critiques de disques, là, on appelait ça des crotiques. Il n'y avait pas beaucoup de bons CD dans ce temps-là. Non, c'est ça. C'était à l'époque où il y avait encore des disques, en fait, déjà. C'était en rabat-joie. Tu le rappelles au monde, là, maintenant. Dure réalité, mais oui. On va pleurer toute la chronique. Donc, on parle de hockey un peu. Voici Simon Humeur, vous déplaît. Bon matin, Simon Fitzbé. Bon matin, messieurs. Bon matin, bon matin. Bon matin. Ça va? Est-ce que je dois te le demander ou tu vas me dire « Non, veillez tout le monde ». Non, c'est pas ça. Non, c'est pas pour chialer dans la vie, tu existes. Non, non, ben en fait, j'essaye pas. J'essaie de pas trop chialer. C'est pas bon pour ma pression, donc. Exactement. À la place, tu dis les vraies choses. J'essaie. Au lieu de juste chialer pour rien. Hein? Bon. Et on parle de hockey aujourd'hui, sujet d'actualité pas mal. Sujet de très actualité, puis ça a repris le dessus, hein, n'est-ce pas, dans ces dernières semaines avec la fin du lockout. C'est une chronique qui veut un certain hommage au sport pornographe. J'ai fait une émission radio de Radio-Canada, mais toujours blog très, très intéressant à lire. Également, un hommage à Jerry Rochon, hein, pour les plus vieux qui l'ont connu, qui était imprimeur ici à l'UQTR. Il est plus là, hein? Non, il est plus là. Il a pris sa retraite de 3-4 ans, je pense. Ah. Il fait toujours son épicerie au métro à la même journée, à la même heure. Je travaillais comme emballeur, c'est vrai, souvent. Mais également, c'est Métrochon, excuse-moi. Pardon? Fait que je sorte Métrochon, mais Métrochon. Ah. Mais ça m'est arrivé comme demain. Spontané. J'aurais pu le garder pour moi. C'est bon. Et également, on va se servir de cette chronique-là pour rendre hommage par la bande probablement au plus grand chroniqueur sportif qui a vécu, M. Richard Garneau, qui est décédé hier matin dans notre diffusion originale du lundi matin. Donc, il est décédé à 5h le matin le dimanche. Il a connu donc 23 Jeux olympiques. Il a été également 23 ans à la soirée du hockey. Il aimait beaucoup le chiffre 23. Mais donc, le niveau de langage tenu dans cette chronique ne sera pas du tout à la hauteur de celui de Richard Garneau. Messieurs, le lockout est enfin terminé. Ceux qui prennent plaisir à s'abrutir devant les chaînes sportives à la télé ainsi qu'à la radio pourront s'asseoir et se laisser remplir de pseudo-experts avec leurs contacts très, très, très brillants dans le Junior 2B jusqu'en juillet, même s'ils le veulent. Les journalistes et autres donneurs d'opinion à 2,5 cents vont finalement pouvoir se remettre à parler du contrat de Piqué Souban et du petit déjeuner de Carey Price ainsi que du fait que Mathieu Darche est tellement un bon gars. Vous remarquerez que jusqu'à maintenant, je vous ai même pas encore parlé de hockey, ce sport divertissement qui rend nos soirées plus intéressantes une fois de temps en temps. Le hockey, cet exercice de détermination dans les deux sens nord-sud de la patinoire, considéré par tout pays nordique qui se respecte comme un sport national. Non, je vous parle pas du hockey, le hockey, il y en est pas question ici. En fait, le sujet de cet article-là, c'est le sport national des Québécois. Parler de, mais surtout spéculer sur... Canadien. C'est bien connu plutôt. Nous n'aimons pas le hockey. Non. Ce que nous aimons, c'est Canadien. Pas n'importe quel Canadien. Celui qu'on a aimé entre 1950 et 1993. Celui que les analystes, en gros guillemets, de l'antichambre ou du match à TVA Sport. Ah, OK, fait que tu traduises pour les téléspectateurs de TVA Sport. Ouais, ben non, ben ça. Pour les infidèles. Les infidèles. Les gens qui ne sauraient pas qu'il y a un TVA Sport qui existe, là, peut continuer à ne pas le savoir. Donc, ceux qui essaient de nous vendre, bien sûr, ce Canadien-là des années 1950 à 1993. Une équipe qui n'existe pas et qui ne pourrait plus exister dans la réalité de la nouvelle ligne nationale. En réalité, la réalité plutôt monétaire qui amène des meilleurs joueurs québécois à s'exiler dans les marchés de Los Angeles ou Tampa afin d'éviter le fanatisme maladif également des fans qui ne sont jamais satisfaits de leur performance de toute façon. Ce genre de culture malsaine du nom hockey est particulière à nous et à ce sport. Bien qu'on retrouve des ultras au soccer et n'essayez pas de vous lever également pendant un match de football américain, mais vous retrouverez pas ce genre de dévotion-là dans ces sports. Un fan de l'Olympique de Marseille s'empêchera pas d'apprécier un match de seconde division s'il en a la chance. Les Américains vouent également un culte au football et au basketball universitaire qui est pas un sport professionnel. Pendant qu'au Québec, les fans préfèrent regarder le dernier épisode de Lance Compte plutôt que la finale de la médaille d'or au hockey aux derniers Jeux olympiques. Ça a été regardé par l'ensemble du Canada. Ouais. Mais bizarrement, au Québec, on regardait pas la télé lors de ce match-là, qui était probablement le meilleur match que j'ai vu de ma vie, en plus, au hockey. Je suis pas un fan, mais quand même, c'est assez débile. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à un exercice très simple. Combien de parties de hockey vous avez regardé cet automne, toutes ligues et niveaux confondus? Là, bien sûr, Mathieu, je m'adresse pas à toi. Je sais que pour toi, le hockey, ça dépasse pas Blade of Steel au Nintendo. Hey, cool! Mais quand même, les gens normaux qui vont écouter le hockey, il y a 1,8 million de personnes. Pas les gens normaux, mais les gens qui écoutent le hockey. Il y a 1,8 million de personnes qui regardent RDS en moyenne quand il y a un match de Canadien. Incroyable. Où est-ce qu'ils étaient cet automne? Ça, ça l'a demandé parce qu'il y avait quand même du très, très bon hockey qui s'est joué pendant le lockout. Entre la LHJMQ, la Ligue américaine, la Coupe du monde des juniors, les Québécois ont majoritairement choisi de se plaindre sur le lockout. L'offre du hockey était là, mais nous en avons répugné du revers de la palette. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, parce que Canadien! qui doit-on blâmer là-dedans? Jean Tremblay, Renaud Lavoie, Ron? Probablement que non. Au Québec, Canadien n'est pas une simple équipe de hockey, c'est un symbole que nous avons plutôt associé avec notre identité nationale. Un symbole que nous avons assimilé à la culture canadienne-française. Canadien, c'est Maurice Richard, Jean Béliveau, Guy Lafleur, des petits Québécois qui ont su accomplir de grandes choses dans l'uniforme bleu-blanc-rouge. C'est notre père, notre grand-père qui ont grandi devant la télé ou la radio à regarder ou écouter nos glorieux. Accessoirement, Canadien, c'est aussi le sujet d'une chanson très plate de Loco Locas. Si vous ne le croyez pas, je vous invite à écouter leur dernier album. Ça, les propriétaires des Canadiens le savent. C'est pourquoi ils ont fait durer le centenaire pendant deux saisons. Et vous vérifierez, c'est vraiment pendant deux saisons, de 2008 à 2010, ça a été le centenaire des Canadiens. Puis le 100 ans, ça compte pas les années où ils jouaient pas, c'est ça? Et ça ne compte pas les années. Ouais, ben en fait, ça compte. Il y a eu une année. Ça compte pas l'année qui ont manqué complètement et la demi-année également dans les années 90 où il n'y a pas eu de hockey pendant le lockout. Les propriétaires nous achalent encore et toujours avec le foutu flambeau. Et je sais pas si vous avez regardé le premier match de Canadien, mais il y avait encore le flambeau du début et plein de joueurs européens et américains qui avaient aucune espèce d'idée de c'est quoi qui se passait. Je sais pas si vous avez vu le début du match, mais il y avait Yvan Cournoyer en haut, après ça Henri Richard qui a eu de la misère à descendre trois marches. Vincent Lanfousse, il n'y avait pas de Guy Carbonneau. Et également, il y a eu Serge Savard et finalement le gros Bill, Jean Béliveau lui-même, qui a emmené le flambeau à Brian Gianta, qui n'avait aucune idée de qui était Jean Béliveau, tout simplement. C'est un peu dommage. Mais c'est la réalité du hockey de nos jours. Et donc, depuis le milieu des années 2000, l'équipe de marketing du club a réussi à jouer sur la nostalgie liée à l'époque où l'équipe comptait dans ses rangs une majorité de Canadiens français et pour nous faire oublier qu'il n'en reste tout simplement plus à Montréal si on enlève des harnais. C'est de la poudre aux yeux, oui, un mirage qui nous fait oublier que cette dernière Coupe Stanley-là a été gagnée il y a 20 ans, tout simplement. Cette année, ça va être le 20e anniversaire de la dernière Coupe de Canadiens. Et depuis ce temps-là, le club n'a jamais vraiment été en mesure de la gagner de nouveau. On parle souvent de « ça sent la Coupe », on sera peut-être en 8e position dans le classement, mais c'est rare qu'on va aller plus loin qu'une deuxième de finale. C'est aussi une façon de nous faire oublier que l'édition 2012 et 2013, le Canadien est composé en majorité d'has-beens vieillissants et surpayés et qu'il n'y a aucune relève, dis-je, à Hamilton, si on enlève Galinien du choc. Un mythe pour nous faire oublier également que malgré ces vaillants Canadiens français, ces habitants qui ont fait sa renommée, le club n'a jamais été la propriété d'un francophone. Mais bon, ça, qu'est-ce que vous voulez? Hein? C'est l'argent. Pourtant, c'est une pratique qui fonctionne à merveille. Le matin où c'est signé l'entente de principe, les médias sont devenus fous et ont parlé que du hockey pendant une semaine, même deux semaines. Pardon, excusez. Ils n'ont pas parlé de hockey, ils ont parlé de... Canadien! Les fans sont extatiques pendant une semaine. Oui, les fans, disent, sont extatiques pour et pour chacun d'eux. Donc, qui veulent punir la Ligue nationale des joueurs. Et les joueurs, il y en a des dizaines qui n'hésiteront pas à aller roter leur support dans les bars sportifs du Québec et aux pratiques de Canadiens, puisqu'on leur offre de la liqueur, des chips et des roteux gratuitement. Mais ça, c'est ridicule. Pendant un match intra-équipe. Un match? Ouais. Il y a eu un match intra-équipe. Il y a eu également une pratique. Il y a eu à peu près 2000 personnes. Et je pense qu'on a même pas... on a fait ça pour le premier match et on a offert de la bière. Donc là, ils ont perdu à peu près 1,5 million en bière parce qu'ils vendent ça à 10$ la bière. C'est assez incroyable. Mais ouais. Donc, nous serons bien sûr tous au rendez-vous. Nous avons tous été en fait au rendez-vous pour le premier match de la saison. On détestera tous le Boston ou le Philadelphie et sentirons la coupe après 20 matchs. Maintenant, messieurs, vous m'excuserez, mais je dois aller appeler Ron pour me plaindre du non-but de Scott Gomez et rappeler à tout le monde que Mathieu Darche est un maudit bon gars. Annonce de Tim Hortons tout le long de la bande. Molson Dry à 11,50, roteux à 8$. Que si tu penses, je m'enclenche 3-4, pis au yob la dépense. Les joueurs arrivent sur la glace, ils ont la rage d'en face. Leur lame dans patinoire, ça graffine rare, ça fait des lignes comme d'en face à Claude Blanchard. La bière rentre bien, hostie que j'ai soif, mais tout à coup... Siffle le ref, les joueurs s'alignent, s'alignent bleu. V'lin gros toxon avec un compte à queue. Ils chantent le haut Canada, j'ai larme aux yeux. Mais déjà, c'est l'heure de la mise au jeu. L'arbitre penche entre les joueurs de centre. La Molson coule, les hot dogs se vendent. La tension monte, la foule scande. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Un team qui gagne. Ouais! Team qui gagne. Wow! C'est ça qu'on veut! Un team qui gagne, ça éloigne les problèmes. Check nos gens qui regardent la game. Une main sans Molson, une main sans hot dog. Il reste plus de main pour la drogue! On a eu un coach qui parlait pas français, je te dis que les béquisses, hostie que ça chiolait, mais mieux vaut la coupe en anglais que pas faire les séries en français. Fuck, on est un peuple, faut se tenir debout, pis on va être debout dès qu'on l'aille la coupe. Nous autres, ce qu'on veut, c'est un team qui gagne. Qui gagne! Les gradins sont pleins, ça boit de la Molson Dry, pis ça chante nanana, hey hey hey, goodbye. Imagine comment les estrades seraient vides si c'était un discours de Françoise David. La fourrure orange de Youpi et toutes ces belles barbes des séries. C'est-tu pas du beau poil à côté de la moustache à Manon Massé? Hey! Nous autres, qu'on veut, c'est un team qui gagne. Nous autres, qu'on veut, c'est un team qui gagne. Un team qui gagne. Team qui gagne, c'est ça qu'on veut. Un team qui gagne, des bâtons CCM, pas des pancartes CSN. Team qui gagne, des millionnaires tout en muscles, pas des VS en autobus. Team qui gagne, des power plays à coche, pis des power pay dans leur poche. Team qui gagne, what does Québec want? C'est bilan me semble, ce qu'on veut c'est un team qui gagne. Un team qui gagne. Mononcle Serge avec sa nouveauté Team qui gagne qui se retrouve sur son site mononcle.com. Pour ceux qui seraient intéressés à aller la télécharger, c'est gratuit. On a eu comme la même inspiration, lui et moi, lorsque c'est le temps de parler de Canadien. Ben voilà, ben voilà. Évidemment, on lit ton article et tes articles à chaque deux semaines dans Zone Campus. D'ailleurs, c'est la chronique qui va être dans Zone Campus de cette semaine. Et voilà, et voilà. Et puis sinon, on te retrouve sur nos ondes à C'est fou 89 FM les vendredis matins à 10h pour l'émission Album Classique. En effet. Où tu présentes un album complet, vinyle, dans l'ordre des pièces que l'artiste avait voulu. Oui. C'est pas mal mieux ça, par contre. Ben, ouais. C'est une plus belle phrase que ça. C'est. Je suis pas habitué à dire le. Un album dans son entièreté tel que les artistes qui l'ont créé le souhaitaient. Ah, je l'avais-tu dit que c'était plus beau? C'est vrai que c'était plus beau. Pas mal beau, ça. Ouais. Et puis, c'est aussi ta chronique Les éphémérides du rock dans Rock Classique avec Annie Lefebvre. Oui. Oui, ça, c'est les vendredis à 11h. C'est un 2 pour 1 pour moi. Oui. Quand il y a des 3 pour 1 à Rock Classique, moi, je fais les 2 pour 1. C'est ça. Sauf que ça, tu le fais à toutes les semaines. En effet. Voilà. Simon Fitzbé, à la semaine prochaine, lundi à 7h30. Et la semaine prochaine, tu vas nous présenter une nouvelle chronique parce que ce ne sera pas l'article du journal. Non, exactement. Et je vais me baser un peu plus sur l'actualité récente parce qu'il faut l'avouer, cette chronique-là a été écrite il y a une semaine et demie. Bah. Donc, voilà. Elle arrive à point. Elle arrive à point. Point d'aidant. Comme un fight. Elle est bien mûre. Ouais. Les gars parlaient d'hockey tantôt, puis j'étais comme... ben oui. Je comprends tout. Oui, d'ailleurs, il trace un peu de bave sur le coin de la bouche. Oh, attention. OK, blab, blab. Donc, sinon, tout à l'heure, ce qu'on va avoir, c'est la chronique de Véronique Mire du bureau de la réussite étudiante. Mais pour l'instant, on écoute la formation locale Bears of Legend. Voici The Mornings I've Let You Down. Pour tous les matins où je vous laisse tomber en faisant des références plates ou des jokes que personne ne comprend. Attention, me voici. Je vais faire concurrence. Oh, oh! On va se battre. You live on a Saturday. Young brother, I'll give you a hand. Dream and a better plan. To swim across the ocean, the dust and the wind, the rust and the sins. Trust in your friends. And all the mornings I've let you down. You said God has just never been here, that he was for the mothers in tears. He let you fall in between the rocks and the leaves, the skies and the trees, the grass and the seas. Your eyes, they never come clear. All money, religion and fear. Just forget the words that we said, the chairs where we sat, the good and the bad. And all the mornings I've let you down. God has just never been here, that he works for the mothers in tears. He let you fall in between the rocks and the leaves, the skies and the trees, the grass and the sea. The words that we said, the chairs where we sat, the good and the bad, the rocks and the leaves, the skies and the trees, grass and the seeds, the words that we said, the chairs where we sat, the good and the bad. cause I've let you down. Mornings I've Let You Down par Bears of Legend. On voyait un animal mort sur la table du studio. On pensait que c'était Simon qui avait frappé un animal, mais toi, t'as vraiment frappé un animal. Eh oui, écoute, tout un vendredi, j'étais sur la 20 tranquillement à vitesse de croisière 110. Et puis, tout à coup, un animal a surgi de nulle part. Un petit renard. En fait, un gros renard. C'était à peu près deux... Ça dépend de la grosseur de votre chat à la maison. Mais moi, c'était deux fois au moins le mien, si c'est pas trois. Okay. Et puis, écoute, les dommages que ça a pu faire, t'as même pas idée. Ben, mot, t'as dit. Oui, le muffler, il est pété. Le réservoir à lave-glace également. Et tout le bumper a défoncé. Écoute, il était fait tough. Il était fait tough, mais son heure était venue. Ouais. Donc, je suis un criminel du renard. Et mon... Mais, donc, ce que t'as dit à la fin, quand t'étais fâché, t'as sûrement dit Fox. Oui, Fox. Renard. Exactement. Fox. Effectivement. Et là, j'ai un beau casque de poil avec une queue de renard, tout neuf. Là, je suis en train de faire sécher la peau. Et puis, voilà. C'est cute. Je t'invite aussi à manger un bon ragoût, si tu veux, chez moi. Si jamais tu... c'est ça. Si jamais t'es game. Non. Non. Non, je vais passer mon tour. Par contre, je te désire la pièce Fox de Carré Moilette. Ah, que de beaux liens ici. Là. C'est de toute beauté. C'est beau, c'est beau. Ah oui, c'est beau. Dans les herbes hautes, je n'attendais pas quelqu'un d'autre. Quand je veillais jusqu'à l'aube, je ne connaissais pas mes fautes. Je ne rêvais pas de prose, ni de devenir astronaute. Je n'écoutais plus les roses, mais je voulais quelque chose. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Donne-moi ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose, ne t'en va pas. Je n'avais pas l'esprit souple, je ne ressentais pas de doute. Lorsque j'observais les couples qui venaient de l'autoroute, sous le rayon de la grande ourse, en train de boire à la source. J'attendais mon dernier souffle, mes larmes coulaient au compte-gouttes. Réponds-moi, où sont l'eau fraîche et l'amour? Loin de moi, ils sont partis faire un tour. Mais tu sais quoi, tous les loups des alentours avaient tort, un point c'est tout. J'espère encore ton retour. Ma chance, ma belle bienveillante. Je ne suis plus comme les autres. Le sais-tu pas? Donne-moi ta rose, ne t'en va pas. Pierre Moulette. Et la pièce Fox! Oui, celle-là, elle tire pas de la patte. Non, ben non. Terry Fox. Mauvais goût. Oh, come on. C'est la fin de la première heure d'Assemblage requis. On se retrouve tantôt avec la chronique du Bureau de la réussite étudiante avec Véronique Mire. On aura aussi à 8h30 Alexandra Carignan, sa chronique Le temps d'une culture. Toi, tu vas être là? Tout le temps, tout le temps. Tout le temps? Tout le temps. Tu manques jamais? Jamais. Non. Puis s'il faut que j'extensionne puis que je sois là toute l'année, je serai là toute l'année. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas un meurtre de François-Olivier d'ici la fin de l'année. Oh non! On va voir, le suspense continuera. Ah oui, la réponse suivre. Plus tard, c'est ça. Quand est-ce la réponse? On verra. On verra. Suivez ben. Assemblage requis. Oh. Ah. Ta-ta-ta. Ta-ta-ta. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou, 89 ans. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis en ce lundi 21 janvier 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Jean-Philippe Charbonneau. Salut Jean-Philippe, toujours présent. Ben, toujours présent, j'ai pas quitté. C'est bien mieux parce que ça commencerait mal. Ben oui, ça serait un mauvais départ. C'est ça. Jean-Philippe remplace François-Olivier Marchand pour les 5 prochaines semaines, donc jusqu'à la mi-février. On va graduellement arrêter de le dire. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça va être la dernière. Ben, okay. Comme on a droit à lundi, mardi, on a droit de s'échapper 2 fois. Okay. Puis mercredi, peut-être 1 fois, tu sais, au cas où. C'est comme quand tu dis 2012 au lieu de 2013. T'as le droit, là. C'est normal, tout le monde fait ça. Là. Même ça tes chèques, t'as le droit. T'as le droit? Oui, jusqu'une semaine, je pense, qu'il accepte. Le 2, c'est qu'il est le fun parce que tu peux faire un 3 avec le 2. Oui. Oh, contrairement à d'autres facile, années. Facile. Pas mal facile. Petit truc. Vous l'avez entendu, Véronique Mire est arrivée en studio avec nous. Ça fait longtemps qu'on bonjour. L'a pas vu. Bonjour. Eh oui. Ça va? Ça me fait plaisir d'être ici avec vous ce matin. Première chronique du Bureau de la réussite étudiante 2013. Oh yeah! Tu t'es même pas trompé en plus. Je sais. Mais c'est quand même, faut se remettre dedans là, quand on commence à dire les dates. Tu vas être avec nous aux 2 semaines comme l'année passée. Eh oui, c'est ça. T'es une des seules qui change pas de case horaire cette année. Ah oui? Étrangement, non? Eh bien, c'est routinier ça, par contre. Ah, toi, il faut changer les meubles de place, remettre le divan là, à l'autre bord, puis hey, moi, le monde de même. Ah, oh, c'est correct, c'est bon, ça fait des bonnes habitudes. Toi non plus, Mathieu, t'as pas changé de case horaire, je pense. Non, toujours en même place. Désolé, en passant, pour ceux qui s'attendaient à quelqu'un de nouveau. Ben, au moins, ils vont pouvoir avoir ta voix comme nouveauté, parce qu'ils se tendent de Mathieu Plante. Ah, peut-être, peut-être pas. Peut-être pas. Ben non, les bonnes blagues, là, la répartie et tout, comment cette année? On dirait vraiment que je pêchais pour avoir des compliments. Hein? Oui, ça ressemble à ça. Les jus de mots. Jus de mots. Oui, j'ai tiré le pi. Bon. Est-ce qu'on embarque dans le sujet d'aujourd'hui? Je sais même pas c'est quoi encore le sujet de notre première chronique. En fait, puisque c'est la chronique d'intro, si on veut, donc je vais vous présenter les services principaux offerts au Bureau de la réussite étudiante. Bonne idée. Mon équipe, puis les fois suivantes, on va embarquer dans les stratégies d'études donc, qui sont aussi utiles pour les professionnels, évidemment. Donc, tout d'abord, ben moi, hein, Véronique Mire. Tu commences avec toi-même. Ouais, moi. En tout cas. Tant qu'à y être, tu sais. Conseillère en gestion des études, donc notamment responsable du programme de mentorat, du coaching individuel et des cours réussir ses études. Donc, il y a ensuite Mme Catherine Terrien, notre directrice. Nous avons ensuite Mesdames Nathalie Dauphinet et Louise Giroux, agente de recherche. Donc, Mme Dauphinet est spécialisée pour les étudiants en situation de handicap et Mme Giroux pour les étudiants étrangers. Ensuite, nous avons Patrick Hamel, le coordonnateur du Centre d'aide en français ou le CAF. Oui, on voit les publicités des fois du CAF sur les babillards, entre autres, dans Zone Campus aussi. Oui, la nouvelle, très belle publicité. Hein? Avant, c'était le cafard. Oui, vous avez le cafard. Vous avez le cafard. Puis maintenant, c'est une baguette ou un crayon magique. Là. Oui. Très beau. On a beaucoup travaillé là-dessus. Patrick est très bon pour conceptualiser le tout. Et il est aussi coordonnateur du Centre de soutien à la formation des maîtres CSFM. C'est quoi ça, les maîtres, justement? Mais en fait, ça rapporte avec maîtrise, j'imagine, ou non? Non, je sais pas. C'est les enseignants en formation. OK. En formation initiale, donc BPEP, bac éducation préscolaire primaire, enseignement secondaire, adaptation scolaire. OK. Tout ce qui finit en R. Et voilà. Sauf les vers de terre. Oh! Que je suis drôle. Et vous avez finalement Nathalie Saint-Pierre, notre agente d'administration. Donc, physiquement, hein, puisqu'on n'existe pas qu'en ligne, nous sommes au 14-16 Léon Provencher. C'est quel pavillon, le Léon Provencher, déjà? Là? C'est dans le bâtiment principal de l'université, derrière les pavillons Ringuet et Albert Tessier. C'est l'autre pavillon dans le pavillon. Oui, pourquoi ne pas tout appeler ça Albert Léon Ringuet? Bon, donc, derrière les autres pavillons, mais en ligne, bon, pour ceux qui ne voudraient pas se déplacer, surtout qu'il fait assez froid cette semaine. Hein, tu trouves? Relativement. Donc, si vous voulez aller voir ça en ligne, donc uqtr.ca/réussite sans accent. Donc, voilà pour la présentation de l'équipe. Le premier service qui pourrait vous intéresser, c'est le programme de mentorat. On a énormément de demandes pour le programme de mentorat. La session passée, on a reçu on a traité 160 demandes, ce qui est vraiment beaucoup. Et puis déjà, on a une semaine et demie de cours de fait et on en est déjà à près de 80 demandes. Donc, cette session, on va probablement fracasser des records à suivre. Donc, le mentorat, qu'est-ce que c'est? Hein? C'est de l'aide académique. Donc, si vous avez de la difficulté à comprendre vos notions dans les cours, de la difficulté à faire les exercices, que vous auriez des questions, vous n'osez pas aller voir le professeur, donc vous pouvez faire une demande de mentorat. Donc, c'est de l'aide ponctuelle et personnalisée pour un cours maximum 2. Vous avez droit à 1h30 de mentorat par semaine. En fait, pour faire la demande, c'est toujours sur notre site qtr.ca/réussite sans accent. Et 1h30 par semaine par cours, donc jusqu'à 3h? Eh oui! Okay. Donc, t'es plus rapide que moi là-dessus, je suis pas sûr. Mais là, ça, c'est gratuit, ce service-là. Ça a sorti nulle part, cette question-là. Tellement. C'est gratuit, c'est un service offert? C'est gratuit, voilà, oui. D'accord. Service offert. J'essaie de poser des questions pertinentes, tu sais, parce qu'à un moment donné, c'est pas juste des blagues comme, mettons, il y a du mentorat glacé, du mentorat vert, menthe verte, menthe glacée, menthe hivernale, non, ça. Des sortes de gants. Ouais, un peu moins celle-là, hein? Bon, le malaise. Ben, il y a repensé, voilà. Donc, mais il y a les deux côtés, hein? Vous pouvez faire une demande de mentorat, mais si vous êtes bon aussi dans vos cours, vous pouvez devenir mentor. Ben oui. Donc là, pour l'instant, l'équipe est complète. Par contre, je reçois quand même des candidatures, puis c'est sûr que quand on va recruter, ben, je vais recontacter ces gens-là, ou en tout cas ceux qui ont une candidature intéressante. Le CV, il reste à la pile. Oui, exactement, si c'est sûr. Donc, pour être mentor, ben, il faut avoir une cote de 3 et plus. Il faut avoir complété un an de scolarité. Donc, ça, c'est très important. Il y en a qui font, qui donnent l'offre de candidature puis n'ont même pas fait une session. Ben, ça ne marche pas, là. Mais oui, c'est ça. Puis, ben, c'est sûr, le CV. Donc, c'est un emploi rémunéré. L'emploi est rémunéré, oui. Le service que vous demandez de mentorat est gratuit. D'accord, je comprends. Voilà, c'est ça. Donc, c'était le premier service. Ensuite, je vais vous parler des ateliers grammaticaux offerts par le CAF et les midis pratiques offerts par le CSFM. Donc, on va aller écouter une petite chanson de Gauthier qui s'intitule « Easy Way Out ». C'est l'Assemblage requis, c'est la chronique du Bureau de la réussite étudiante. Just stop getting me down. très bon. Ah, super, hein? On apprend à découvrir Gauthier. Oui, ben, on connaît tous la chanson, pas besoin de vous la dire, hein, la chanson qui jouait. Eh oui, eh oui. On s'est tanné de celle-là, mais c'est bon de savoir qu'il fait d'autres choses, mm-hmm. qu'ils font d'autres choses, c'est un groupe? C'est un gars, en fait. Un gars. Oui. Gauthier. Oui. G-O-T-Y-E. Mm-hmm. Comme ça se prononce. Comme ça se prononce. Oui, moi je disais Gauthier avant, parce que c'est assez spécial que ça se prononce Gauthier. Vas-y, cravate. Gauthier. Oui. Donc, toujours avec Véronique Mire. Eh oui. C'est la chronique du bureau de la Reste étudiante. Mm-hmm. Tantôt, on a fait l'introduction, on a présenté les gens de l'équipe. On a parlé de quelques services, mais il nous en reste encore pas mal parce que vous en offrez là, une ribambelle. Eh oui, mais ce matin, je vous présente vraiment que les services qui sont pertinents. Non, les services impertinents, c'est pour la semaine prochaine. En fait, c'est pas qu'ils sont pas pertinents, c'est les services en cours parce qu'on a plusieurs services qui sont fermés pour la session. Donc, je vous présente que les services actifs, là, parce que, bon, c'est ça, hein? Il faut choisir aussi, évidemment. Donc, Centre d'aide en français, qui est situé au deuxième étage de la bibliothèque. Donc, vous pouvez aller en ligne, toujours, c'est toujours la même chose, hein, pour les adresses uqtr.ca/CAF. C-A-F. Donc, si vous êtes curieux, vous voulez savoir un peu où vous en êtes dans vos connaissances en français, ou vous voulez savoir à quel point vous n'êtes pas bon, hein, parce qu'il y en a qui c'est ça aussi. Bon, ils disent « je suis pas bon », mais jusqu'à quel point? Qualifier sa pochitude. Oui. C'est un peu plate, hein? Mais bon, vous pouvez aller faire un test diagnostique qui va vous prendre un maximum de 100 minutes pour répondre à 100 questions. Capharnaüm. Ouais, c'est quand même assez long, hein, mais c'est un maximum de 100 minutes. Donc, ça peut vous prendre beaucoup moins que 100 minutes. Moi, je l'ai fait et ça m'a pris 30 minutes. Bon, garde-la. Garde-la se vanter. Non. Mais avec un score de combien? Ouais. Ah. Très, très humble. Ah, oh, ben oui, je ne le dirai pas parce que vous allez avoir peur de moi. Et bien, évidemment, qu'il faut le faire au meilleur de ses connaissances, sans dictionnaire, sans grammaire, sans amis. Hein? Pas d'iPod, pas d'iPhone. Pas rien. Donc, vous avez le test diagnostique. Ensuite, vous avez aussi du mentorat au centre d'aide en français. Mentorat, précision, ce n'est pas un service de correction de travaux. Vous le faites demander souvent, hein, j'imagine. Oui, quand même. Il y a des étudiants qui viennent nous voir. Où est-ce que je peux faire corriger mes travaux? Ben, officiellement, ce n'est pas offert à l'université. Donc, c'est en dessous de la table. J'ai bien pesé mes mots ici. même chose pour le programme de mentorat tout court dont je m'occupe. Ce n'est pas un service pour corriger vos travaux, vos simulations comptables et compagnie. donc, le mentorat en français, ben, il faut remplir une demande. Même chose. C'est axé sur vos faiblesses. 6 rencontres de 1h30. L'horaire est fait en fonction de vos disponibilités. Et on vous offre des outils de travail qui vous seront utiles en tant qu'étudiant et en tant que professionnel. Hein? C'est toujours ce qu'on vise. Maintenant, soyez bien attentifs. Je vais vous donner une série de dates. Donc, ceux qui sont en voiture, peut-être moins évident. Vous retournerez écouter l'émission où vous irez sur le site du CAF pour plus d'informations. Donc, les ateliers grammaticaux, pour ceux que ça intéresse. Donc, il y en a 5 cette session. Le premier aura lieu le 5 février. Le premier de 5? Le 5 février. À écrire dans le givre de l'auto. Sur la terminologie grammaticale. Ensuite, le 21 février, vous aurez les participes passés. Le troisième porte sur l'orthographe grammaticale et l'orthographe linguistique le 13 mars. 2013. Celui-là, je l'écrirai dans la neige. Ah oh, oui. Oh. Avec mes mains, évidemment. Ah oui, hein? Oui, clairement. OK. Bonne spécification. Spécification. Oh, bien placé comme moi. T'es pas sûr. Spécificité, oui. Spécification. Atelier 4, la syntaxe et la conjugaison le 25 mars. Et le dernier, le vocabulaire le 17 avril. La session va être presque terminée. Donc, c'est très intéressant, ces ateliers-là. Si vous avez des questions précises, vous pouvez aller voir ça. Inscription requise en ligne, uqtr.ca/CAF. Je pense que je vais me rappeler de ça toute la journée dans ma tête, les adresses Internet. Et vous avez, bon, les midis pratiques du CSFM. Moi-même, en tant qu'enseignante ancienne bépépienne, j'aurais adoré avoir ces ateliers-là, ces midis pratiques-là. Les sujets sont très intéressants. Donc, midi pratique, ça le dit, hein, c'est toujours de midi à 13h30 pour, bien sûr, les étudiants en BPEP, enseignement secondaire et adaptation scolaire. Donc, le premier qui aura lieu le 24 janvier, c'est cette semaine, ça? Oui. Hein, oui. Ça n'est pas passé. 2, 3, 4, c'est jeudi? Jeudi, oui, c'est ça, jeudi. Donc, la pédagogie à valeur entrepreneuriale pour répondre aux besoins de plusieurs élèves. Donc, en fait, c'est que depuis le lancement du défi de l'entrepreneuriat jeunesse et de la stratégie d'action jeunesse, l'école est appelée plus que jamais à développer le goût d'entreprendre et de réussite chez les jeunes. pour mieux les préparer aux enjeux contemporains et à ceux du Québec d'aujourd'hui. Hein? Donc, c'est un midi pratique. Ça le dit, tous ces midis pratiques-là. Il y a toujours des ateliers, il y a toujours des exemples concrets, donc des stagiaires qui ont vraiment appliqué ces trucs-là en classe, qui viennent faire un peu un compte-rendu ou bon un témoignage de ce qu'ils ont vécu. Le but, c'est aussi de briser des mythes, des préjugés. Donc, sur la pédagogie à valeur entrepreneuriale, animé par Ghislain Sanson, le 24 janvier. Ensuite, vous avez le 7 février, s'approprier le TNI, une démarche à petits pas. Qu'est-ce que le TNI? Ouais. J'espère que c'est pas du TNT. Oh! Par contre, bien utilisé, ça peut être explosif en classe. Oh! Donc, le TNI, tableau numérique interactif. Évidemment. Les fameux tableaux blancs sur lesquels on peut tout faire directement. Comme à SCN. Enregistrer et tout. C'est vraiment super. Ça coûte... c'est pas donné. Et de plus en plus, il y en a dans les classes, dans beaucoup d'écoles aux primaires. C'est une très, très, très bonne idée. Pour vrai, mm-hmm. Ça doit vraiment aider dans un cours. Oui. Mais au secondaire aussi, il y en a, évidemment. Donc, comment l'utiliser? Une initiation aux différentes techniques possibles. Animée par Sonia Lefebvre et Normand Roy. Ensuite, vous avez la gestion de classe en suppléance. Les stratégies, les principes et les règles concrètement. Comment survivre à ça? Oui. Hein, parce que c'est pas évident, la suppléance, on se fait tester. Bon, il y a des belles classes, mais généralement, l'ambiance est assez électrisante. Donc, des exemples, des cours d'exercices, comment établir des règles simples. Parce que quand on est là que pour une ou deux journées, on peut pas tout refaire le système. Hein. Ouais. Il faut partir avec ce qui est là. Animé par Lise-Anne Saint-Vincent le 14 mars. Et finalement, vous avez animé par Carole Paquin, date à venir. Hein, celui-là n'est pas encore totalement établi, oui, dans la liste. L'intimidation en milieu scolaire. Oh, le bullying, c'est à la mode, ce sujet-là. Oui, hein, très populaire. Et en fait, ce n'est pas que d'élève à élève. C'est aussi entre collègues, de professeurs. Oui, ça arrive. Il y a des vidéos qui sortent tout le temps sur YouTube de professeurs qui chialent après leurs étudiants. C'est l'intimidation. Oui, c'est très triste. Ouais. Moi, personnellement, quand je faisais mes stages, quand j'ai fait de la suppléance, quand je voyais ça dans des classes, ça ne passait pas du tout. C'est sûr. Date à venir, animée par Carole Paquin. Donc, voilà pour les midis pratiques du CSFM, très pertinent. Inscription requise, uqtr.ca/CSFM. Ah oui! Donc, voilà pour les ateliers CAF CSFM. Donc, on va aller encore en musique. Cette fois-ci avec l'excellent groupe Mumford & Sons. On écoute Babel. À Assemblage requis, on vient avec Véronique Mille. Time has numbered my days, and I'll go along with everything you say. But I'll ride home laughing, look at me now, that the walls of my town, they come crumbling down. And my ears hear the call of my unborn sons, and I know the choice is color. It all to the watchman's son. I never lived a year better spent in love. Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is farce, but I'll be born without a mind. In my greed and my pride, I stretch my arms into the sky. I cry, Babel, Babel, look at me now. The walls of my town, they come crumbling down. You ask, where will we stand in the winds that will howl as all we see? Into the cloud. my nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls, and I will play my bloody part to tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear them down. 'Cause I know my weakness, know my voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is fast, but I'll be born without a mask. Mumford & Sons et la pièce Babel. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais ça part bien lundi. Eh oui, eh oui. Tellement. Comment ne pas sourire en écoutant de la musique comme ça? Voilà. On est toujours avec Véronique Mire du Bureau de la réussite étudiante et on était encore en train de parler de services offerts par le BRE. Eh oui, et par le CAF, Centre d'aide en français, et le CSFM, Centre de soutien à la formation des maîtres. Mon Dieu, excusez-moi, j'ai eu un blanc. Mais non, ça va. Il n'y a pas de chapiteau autour de tout ça. Il n'y a pas un nom pour tout ça. C'est vraiment chacun est indépendant. Le Bureau de la réussite étudiante. Ça inclut les autres. C'est ça, c'est okay, ça. Parfait. Ça inclut les autres. Donc, je vous ai parlé brièvement du programme de mentorat. Si vous avez de la difficulté dans vos cours, vous pouvez aller voir sur le site en même temps. Si vous voulez savoir pour quel cours on offre de l'aide, généralement, c'est première, deuxième année. Un cours comme PAF 10-10, moi, ça m'a tellement fait rire quand oui, j'ai le PAF 10-10. Le fameux PAF 10-10. PAF 10-10. On reçoit énormément de demandes, des cours de gestion. Juste parce que c'est drôle. Vous recevez plein de demandes parce que le nom est drôle. Ça doit. Ça en dit long, hein? Quand ouais. Un cours qui s'appelle PAF, tu te dis, ça sera pas facile. Il y a CTB 1042 où il y a la fameuse simulation comptable à faire. Les cours de gestion financière cette session qui sont très, très populaires. BFI 10-12, BFI 10-13, etc. Vous irez voir ça en ligne. Ensuite, je vous ai parlé des ateliers grammaticaux, de vocabulaire, linguistique, etc., offerts par le CAF. Et finalement, des midis pratiques offerts par le Centre de soutien à la formation des maîtres. Donc, très intéressant si vous êtes des enseignants à devenir. Allez voir ça. C'est vraiment pratique, très pertinent. On n'a jamais trop d'outils. Je vous dis par expérience. Donc, finalement, trois petits services. Assez vite, je vais vous parler du cours Réussir ses études. Ouais. Donc, c'est déjà commencé, hein, la session, bien évidemment. La semaine passée, on a déjà commencé à offrir le cours. Donc, c'est plutôt pour la session d'automne. Donc, je vous ai dit. On ne peut pas embarquer en cours de route. Il faut attendre la prochaine session. Non, parce que c'est seulement que 10 semaines. Okay. C'est un cours de 2 crédits. Donc, je vous ai dit en début de chronique que je vous parlerai seulement que des services actifs, mais c'est parce que c'est un cours pour lequel on a beaucoup d'inscriptions. Donc, si déjà, là, ce que je vais vous dire, ça vous intéresse, pensez-y pour l'automne. De plus en plus, on a énormément d'inscriptions. Là, on a 3 groupes cette session, 2 de 18 et 1 de 25. À la session passée, on avait 5 groupes, 3 de 25. Donc, vraiment, c'est très populaire. Donc, c'est le A à Z, le B à B, l'encyclopédie, etc. Des stratégies pour réussir ses études. En passant de la gestion du temps, la prise de notes, lire rapidement, faire des travaux, comment gérer des conflits dans une équipe, comment gérer son stress. Toutes des stratégies qui vont vous suivre dans votre vie professionnelle et dans votre vie personnelle aussi. En fait, moi, ce que je dis beaucoup à mes étudiants, c'est que, bon, rendu à l'université, là, on est plutôt des professionnels en formation que des étudiants. Donc, moi, je motive beaucoup mes étudiants en leur disant, parce que je suis aussi chargée de cours, j'utilise un peu le même discours, je leur dis, faites tout ce que vous pouvez pour être les meilleurs dans votre domaine. C'est tout ce qu'on vous donne maintenant. Profitez-en au maximum pour vous dire que quand moi, je vais travailler, là, quand je vais être dans mon domaine, ça va être moi le meilleur. On va vouloir m'engager. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui font que vous allez être vraiment le meilleur. Donc, le cours Réussir ses études, quand on est des professionnels, on nous offre des formations de gérer son temps, comment lire efficacement, prendre des notes rapidement et tout. Bien, vous les avez déjà à l'université, donc profitez-en au maximum, puis ça va vous être utile ensuite. Donc, 2 crédits, 10 semaines. Et, voilà, il faudra vous inscrire pour la session d'automne. Ensuite, vous avez le soutien individuel à la réussite ou le coaching. Donc, ça, c'est un service avec moi. Ah, les chanceux. Hein? P personnalisée. Donc là, le service est complet jusqu'en mars. Par contre, c'est actif. Si vous voulez entrer dans le service ou avoir le service, ben, il faut faire une demande maintenant. Parce que moi, j'ai une liste d'étudiants à contacter. Donc, si vous attendez, malheureusement, ça va être complet pour la session. Donc, ça, c'est si vous ne voulez pas faire le cours au complet. Vous dites, moi, là, j'ai pas besoin de tout ce qui est offert dans le cours du A à Z. Moi, je veux juste apprendre à bien gérer mon horaire. Là. C'est ça, mon problème. Je suis toujours à la dernière minute. Je suis tannée, là, puis la session passée, ça a été pas mal stressant. Donc, c'est possible. Avec moi, on se fixe des objectifs bien précis. Pendant 4 rencontres, on travaille là-dessus. Puis, il y a beaucoup d'améliorations. Donc, les étudiants viennent souvent me voir en fin de session. Vraiment, ça a bien été. On a réussi. Donc, très intéressant. Pour ça, on passe te voir à ton bureau. En fait, il faut toujours aller en ligne. Sur notre site uqtr.ca/réussite pour remplir des formulaires. Puis, nous, on traite ça. Et ensuite, ben, vous avez accès au service. Si vous venez à notre bureau, 1416 Léon-Provencher, bon, ben, on va vous rediriger vers le site. Par contre, il n'y a rien qui vous empêche de venir chercher l'information. Ben oui. Il n'y a pas de problème. Et le dernier service. Donc, en fait, c'est pas un service, c'est un questionnaire à remplir. Ça sera sous peu disponible. C'est l'opération Prosper. Connaissez-vous ça? J'ai déjà entendu le nom, mais non, pas tellement. Non, c'est flou. Hein? Ben, surveillez votre portail étudiant. Il va y avoir des affiches aussi cette semaine qui vont être affichées, hein? Évidemment. Des posters de Prosper. Des posters, oui, c'est ça. Donc, un peu partout sur le campus. Prosper, c'est du 28 janvier au 16 février. C'est un questionnaire à remplir en ligne qui donne la chance de recevoir un profil personnalisé qui vous informe sur vos forces, vos faiblesses en tant qu'étudiant. Et qui vous indique les ressources qui sont pertinentes pour vous en fonction de votre profil. Donc, vraiment, bon, vous avez toutes sortes de façons d'aller chercher de l'aide, dépendamment de comment vous êtes plus techno, peut-être Prosper. Si vous avez besoin de quelqu'un individuellement pour vous aider, ben, le coaching, le soutien individuel avec moi. Si vous voulez plutôt avoir l'ensemble, toutes les stratégies nécessaires, le cours réussir ses études. Si c'est plutôt pour des cours, des questions, ben là, le mentorat est là pour vous. Et si vous êtes plus, plus du genre passif et que vous avez juste envie de gober l'information, ben écoutez la chronique de Véronique Mille ben lundi. Oui, c'est bon ça. Pas pire. C'est plus passif. Tu t'écoutes et t'apprends en faisant ton déjeuner, mettons. Et tout en rigolant. Ben oui. Oh! Donc voilà, c'était la première chronique pour moi. Je suis très contente d'être ici. Je serai de retour dans 2 semaines avec la gestion du temps. Ah, c'est important ça. Oh, très important. Hein? Mettez MPS. Oui, j'apporterai papier crayon. Oui, oui. Si j'oublie pas. Si j'oublie pas. Une chronique sur les oublis, genre, ça tue. Peut-être, ou... peut-être. Hey, j'avais un jeu de mots tantôt sur le mentorat. Ça irait bien avec ton chapeau renard, manteau rat, chapeau renard. Ouais, c'est comme le paf 10-10, le renard. Ouais. Paf. Il a fait paf. Tout ça mis ensemble. Ouais, superbe. Donc, Véronique Mire, on te retrouve, comme tu disais, dans 2 semaines. Ce sera le 4 février. Et oui. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bonne journée. Bye. Nous, on prend une petite pause. On revient avec Alexandra Carignan tout à l'heure et sa chronique Le temps d'une culture. Restez avec nous. C'est assez fou pour l'écouter. C'est fou 89 ans. Le plan de demain à assemblage requis. Demain à assemblage requis qu'on a donc une bonne émission pour vous. Michel Leblanc va être là pour nous discuter de justice dans sa chronique panier à salade. Et Angélie Durocher partagera ses goûts dans son segment L'Index. C'est demain à 7h. Puis Jean-Philippe va être là. Oui, puis j'aurai peut-être un matin aussi rocambolesque. Qui sait? Des mésaventures, là, ça devrait pas arriver à toi le matin, mais j'espère pour toi en tout cas. Ben, chaque jour est une aventure. Oh, là, c'est trop compliqué. Ouais, c'est trop compliqué, je pense. Trop lourd pour un matin. On va laisser l'annonceur à la place. Oui, allons-y. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Sur les ondes de Sifu, vous écoutez Assemblage requis et vous aimez ça. Vous aimez bien ça, c'est vrai, parce que Jean-Philippe est toujours là. Oui, Mathieu, toi aussi. Oui, toujours. Je viens d'apprendre à l'instant, en fait, j'aurais dû m'en rendre compte avant parce que j'avais reçu le message depuis un petit bout, mais Alexandra Carignan ne serait pas avec nous ce matin. Oh. Malheureusement, on ne parlera pas de culture du tout. On va faire comme ça n'existait pas. Ah. Parce que moi, si Alexandre n'est pas là, je ne veux pas entendre parler de culture. Non, c'est le nom. plus tard dans l'émission, on va avoir une autre petite chronique qu'on va vous préparer pendant les prochaines minutes. Et on va avoir de la bonne musique. Ben et oui. Justement, parlant de musique, tu sais que c'était la mode en ce moment, la musique à la Mumford & Sons. On a entendu tantôt avec Véronique Meir. Oui. Et j'ai regardé Saturday Night Live cette fin de semaine avec la belle Jennifer Lawrence de Hunger Games. Tu la connais? Tu l'aimes bien, toi aussi? On la connaît tous, oui. Jolie. Très bonne actrice, d'ailleurs. Très bonne. Et très bon film. Et très drôle, la fille aussi. Oui. Donc, l'invité musical de Saturday Night Live, c'était The Lumineers. Et moi, je connaissais pas ça. Je me rappelais avoir entendu l'extrait qu'on va vous présenter à l'instant, mais j'aurais pas pu vous dire que c'était The Lumineers. Donc, on écoute Oh Hey tout de suite à Assemblage Requis sur C'est Fou. Trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. I've been sleeping in my bed. Oh, so show me family. Hey, all the blood that I will bleed. Oh, I don't know where I belong. I don't know where I went wrong, but I can write a song. Hey, I belong with you, you belong with me, my sweetheart. I belong with you, you belong with me, my sweetheart. Hey, pas « Hole ». J'étais pas sa note ben, ni sur le beat, mais bon. Ouais, c'est pour ça qu'on n'a pas de CD. T'sais, on n'a pas de CD. Non, pas encore. Non, pas encore. On a le temps. Oui, c'est vrai. Allons-y. Ben, donc, vas-y. En parlant de CD, écoute, ça n'a vraiment pas rapport avec un CD, mais j'ai une anecdote de ce qui s'est passé chez moi en fin de semaine. Okay. J'habite à Trois-Rivières, mes parents habitent Rive-Sud de Montréal, et puis j'ai pas changé d'adresse, puisque je trouve que ça vaut pas la peine. Bon, tu sais, je suis là pour les études. Tu vas retourner dans ton coin éventuellement. Je sais que c'est pour les études que je suis à Trois-Rivières, ouais. Et puis on verra quand j'aurai déménagé, là, je changerai mon adresse, mais puis que j'aurai un emploi pour de vrai. Mais c'est ça, tout ça pour dire que mon courrier, je laisse chez mes parents, parce que je trouve ça plus simple de laisser ça chez nous. Tu le prends chaque quelques mois, ils te font une pile. Ouais, c'est ça. Puis des fois, ils me disent « Ah, t'as reçu une lettre, je peux l'ouvrir, c'est peut-être important. » Fait que je fais « Oui, oui. Oh, ma carte de crédit. Oh, de l'anthrax. » Oui, c'est ça. Ouais. Et puis j'ai acheté des billets pour aller voir un show à New York. Quel show? Pink. Oui, c'est un cadeau, en fait, de Noël. Donc, je reçois enfin mes billets. Et puis, c'est avec Ticketmaster. Donc, l'enveloppe est blanche. Ils ne veulent pas se faire, justement, que les billets se fassent voler dans la malle. Donc, bon, c'est ça. Mon père, il fait « Ah, oh, c'est marqué Charbonneau. On va ouvrir l'enveloppe. » Donc, il ouvre l'enveloppe. Il fait « Oh, non, ça, c'est pour mon fils. C'est pour Fiston. » Donc, il met ça sur mon bureau. Et puis, ma mère, d'un élan de gentillesse, elle fait « Ah, oh, c'est sale un peu sur son bureau. Je vais faire du ménage. » Oh, non. Et elle a jeté mes deux billets. Ben voyons donc. Pour aller voir Pink. Mais elle a gardé le reçu. haut. Fait que tu peux aller rechercher tes billets. Ah, je sais pas. J'espère pour toi. Oui, oui. Non, tu sais, les papiers, tu les mets dans une pile et tu les mets sur le coin du bureau. Tu les mets pas dans le bac à recyclage. Non, c'est ça. Donc, écoute, c'est vraiment de gentillesse. Je pense qu'elle a juste jeté l'enveloppe qui était ouverte. Ouais. Et puis, elle l'a pas vu. C'est des tout petits billets. Là. Je sais pas si tu as déjà acheté des billets avec Ticketmaster, mais non. C'est vraiment très petit. OK. Ils font exprès pour que tu les perdes. Oui, c'est ça. Puis là, après ça, ils vont me charger des frais de retard. Ben, pas de retard. Frais administratifs, oui, voilà. Réimpression de billets. Et voilà. Ben, au pire, je dirais que je les ai juste jamais reçus. J'espère qu'ils n'écoutent pas Assemblage Requis. Ben, parce que sinon, ils vont tout savoir. Ou notre version anglophone, Some Assembly Required. Oui, tout à fait. Sur It's Crazy 89.1 FM. Donc, voilà, j'ai lost. Oh, oh, mes billets. Bravo. Et voilà, c'est fini. Je fais la même chose avec les affaires de ma copine. Des fois, j'ai l'impression que je jette tout le temps des affaires parce que des fois, on se met à rechercher des choses, puis là, tu te dis, attends un peu, je les trouve pas, mais c'est impossible parce que je savais qu'ils étaient là. C'est sûrement moi qui les ai achetés. Et voilà, c'est de même. Confession, Mathieu Plante. Je ferai plus ça. Non, mais ça s'accumule tellement, les papiers, des fois. C'est fou, hein? C'est fou. 89 FM. Voilà. Donc, c'est ta seule chance pour faire ce jeu de mots. Oui, c'est ça. Donc, si ma mère m'écoute, je te remercie pour toute la paperasse administrative que je vais me taper sûrement après l'émission. Et voilà. Merci. Si ma mère m'écoutait, elle serait un dirou. Non, ça c'est si ma mère avait des roues. Ah, voilà. J'étais pas sûr. Nous toujours rassemblés à Joaquin, il est 8h39 minutes. Et juste là, right there, on s'en va entendre du On a créé un monstre. Ben oui, c'est ce que ma mère m'a dit justement hier. Quand j'étais fâché à cause des billets, je suis devenu vert. J'ai fait tout le monde. Elle a dit, oh mon Dieu, j'ai créé un monstre. Comme le Hulk, là. Ouais, c'est ça. En fait, c'était de goût douteux, mais je vais m'améliorer, je vous promets. On va t'appeler Jean-Philippe Charbonneulc. Oui, Jean. Quel extrait de On a créé un monstre allons-nous entendre, Jean? La numéro 4. La numéro 4. Je sais pas. Je suis allé comme ça. C'est 5.0. Ah, ben c'est très bon. Ça. C'est ma préf. Ah, ben voilà. Ça tombe bien. On était connectés. C'est assemblage requis au buzz. Ça, c'est le bruit des fils qui se connectent. Là. Oui. Ou tch, comme des chocs électriques. Je peins de la statique à tous les jours à cause de mon haut divan. Dans ton auto, hein? Ouais. Ça, c'est bien achalant. On s'en reparle. Ou pas. Ou pas. J'ai souvent brûlé du temps en improvisant des paroles qui je lance sur le moment. Et le vent qui déchire ma 5.0. Et les chevaux sous mon capot, je mets tout de côté. 5.0, on a créé un monstre à Assemblage Requis. Jamais vous aurez passé un si beau lundi matin. Tellement, hein? Jamais. Oui, oui, oui. Sauf peut-être le prochain. Lundi et prochain. L'autre après, ben, tu sais, demain est un autre jour. Et c'est ce qu'ils disent. Demain sera meilleur que l'hier d'aujourd'hui, d'avant-hier. Et l'herbe est toujours plus verte chez le voisin. Oh, c'est ça. Voilà. Voici Tu manges mon cœur. On déteste tous notre cœur qui aime trop de choses à la fois. Des fois, c'est dur de faire des choix. Ah, que ça n'a pas d'allure, ça coûte cher. Oui, c'est ça. La chronique Tu manges mon cœur, c'est la chronique des coups de cœur des animateurs d'Assemblage Requis. Et Jean-Philippe, étant donné que tu n'es pas moi et que c'est moi qui ai la console, je te laisse le faire en premier parce que comme ça, ça te donne comme. Ah, oh, t'es coquin. Tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Au lieu de dire les femmes d'abord, je dis les autres que moi d'abord. Les JP d'abord. Les JP voilà. d'abord. Ou ceux qui ont des noms composés, puisque faux avant, JP après. Oui, en tout cas. Pipi, il y en a sûrement qui s'appellent Pierre-Philippe Pipi. Non, j'ai dit JP. OK. J'ai juste peut-être marmonné. Du matin. Mais je stresse pour les gens qui s'appellent Pipi. Oui. Vas-y. Donc, écoutez, j'y vais avec quelque chose qui est tout à fait pas sérieux. Moi, mon coup de cœur, je dirais, de cette semaine, ça va être Les Appendices. Oh. Groupe plutôt humoristique. Ouais. Également, qui font des chansons avec un album qui s'intitule Les Appendices chantent. Original comme ça. Oui, c'est original. Pas niaisant. Non. Et puis, depuis quelques temps, moi, j'ai un plaisir fou à aller voir des petits extraits. Puisqu'ils ont une émission à Télé-Québec, ouais. Je ne me souviens plus de l'heure, mais c'est pas grave. Des sketchs, là, dans le fond. Vous irez voir sur Télé-Québec l'horaire. Et puis, c'est ça, sur YouTube, on peut également regarder quelques extraits de Les Appendices. Et puis, j'ai particulièrement aimé Cours d'espagnol, VHS espagnol, que vous pourrez retrouver. On va mettre sur le blog et peut-être la page Facebook oui, aussi. Oui, bonne idée. Ouais. Donc, voilà, c'est M. Puel qui fait des leçons d'espagnol et c'est tout à fait burlesque. Je ne saurais pas le refaire, mais disons que ça. C'est ça. C'est des traductions qui font sonner des choses bizarres. Ah, ben, ouais. Donc, on va voir ça. Je vous titille de même en ne vous en disant pas plus. Waouh, c'est une drôle de phrase. Hein. On s'est rendu quand même. Ouais, je me suis rendu. Donc voilà, mon coup de cœur, ça serait Les Appendices. Vous êtes brin nostalgique, vous avez besoin de rire un peu. Je pense que ça peut vous satisfaire. Donc voilà, Les Appendices. C'est merveilleux. On va aller entendre une pièce 2, d'ailleurs. Ben oui, pourquoi pas. Juste un petit peu, une petite pièce un peu rancunière. Oui, à tous ceux qui sont rancuniers dans la vie, voilà, je vous dédie cette chanson. Wow. Oh, c'était si beau. Si jamais je poigne les petits garçons qui garrochent des yeux sur ma maison à l'Halloween, voici ce que je vais lui faire. Je vais rencontrer sa mère, je vais la crouser et puis la marier. Je vais élever son enfant pendant 20 ans comme si c'était le mien. Je vais lui apprendre les vertus de l'économie, l'encourager à s'acheter une maison à 300 000 dans le bout de la Valtrie. Pendant ce temps-là, je vais avoir secrètement élevé une ferme de 4000 poules, garder la production complète de toutes leurs œufs dans un camion. Puis le jour de sa pendaison de crémaillère, je vais garrocher mes œufs sur sa porte de garage qui était fraîchement peinturée. J'suis un peu rancunier. Faites-moi pas chier. Si jamais je pogne le gars qui a tout changé, la température sur tous les thermostats électroniques de ma maison, je le déménage dans un volcan en ébullition, puis j'y installe 350 machines d'air climatisé. Il va être bien content, mais aussitôt qu'il va les essayer, il va se rendre compte que c'était juste des calorifères déguisés. J'suis un peu rancunier. Faites-moi pas chier. Si jamais je rencontre encore le gars qui m'a dépassé dans la file d'attente, j'te jure qu'il va payer parce que j'vais m'arranger pour me partir un organisme à but non lucratif. J'vais organiser un show bénéfice pour recueillir des dons. J'vais inviter son groupe préféré puis j'vais donner des billets gratuits à ses amis, sa famille puis à tout le monde qu'il connaît. J'vais quand même être gentil, j'vais l'inviter, mais j'vais m'organiser pour qu'il soit avant-dernier dans la file d'attente pour le concert. Puis juste avant qu'il rentre dans la salle à la dernière minute, je vais lui taper sur l'épaule pour qu'il se retourne. Puis je vais y briser les jambes. J'suis un peu rancunier. faites-moi pas chier. Les appendices avec Rancunier. En fait, ce que j'essaie de passer comme message, c'était surtout pour Mathieu. Plante pour que... Hein? Moi ça? Ouais. Juste te dire que je suis un peu rancunier. Ah ben, ben. Attention. Moi qui te donne ta chance en, oui. En plein prime time de radio. Et hein? Voilà, non. moi je suis un gars de même. Ouais, c'est ça. Tu me parlais d'un sketch que tu vas aller mettre sur la page Facebook d'Assemblage Requis sur un cours d'espagnol des appendices. Exactement, VHS cours d'espagnol. Ouais. Ouais. Très très visuel comme gag, donc on le fera pas jouer en nombre. Par contre, si vous aimez ce genre de choses-là par rapport, là, j'ai une nouvelle chronique que je vais présenter de peut-être pas demain, je vais voir si mais dans le courant de la semaine. Ben, c'est dans notre gros mois de janvier épique. Je sais pas si t'as entendu parler, hashtag janvier épique. Eh oui, certainement, j'ai entendu parler. Des grosses affaires se brassent. Là. À tous les jours, une nouveauté pendant le mois de janvier. On a eu tellement de nouvelles chroniques de ma part, de nouveaux chroniqueurs qui sont présentés à l'émission. Toi, aujourd'hui, tu comptes comme la nouveauté d'aujourd'hui. Oh, mon Dieu, j'ai ce privilège. Est-ce que j'ai le droit à une médaille? Non, un cadeau. T'as imprimé quelque chose, sûrement, c'est dans Word, le Word Art. Oui, Word Art. Bravo, Jean-Philippe. C'est ça. En bleu avec. Oui. C'était fait 3D, c'est super cool. Ah, ça va être beau. Mais ça, t'es la nouveauté d'aujourd'hui parce que t'es nouveau, puis t'es aujourd'hui, fait. Et voilà. Fait que finalement, ça fit. Ça fit très bien. OK. Heureusement que je suis là, sinon, t'aurais été mal pris. T'aurais trouvé d'autres choses, tu me dis. Hein? Ça, je suis pas unique. J'aurais fait la chronique de notre fois aujourd'hui. Ouais. Mais c'est bon, faut remplir tout le calendrier du mois de janvier. Et voilà. Mais je l'apprécie beaucoup. Là, c'est vraiment pas, t'es pas juste un bouche-trou pour remplir le trou de la case du 21 janvier. C'est pas ça du tout. Toujours dans la chronique qui se mange mon cœur. T'as présenté ton coup de cœur. C'est à mon tour. Et moi, c'est vraiment cheap. Et c'est même, j'irais plate. Mais c'est moi, je trouve ça le fun. Il y a une émission de télé, une sitcom des années 80 qui s'appelle Perfect Strangers. L'histoire de deux cousins. Genre le cousin Balky qui vient habiter chez son cousin. Pour moi, c'est complètement inconnu. Complètement inconnu. C'est une petite sitcom à la Full House ou n'importe quelle autre sitcom familiale des années 80-90. Et puis, il y a un groupe qui s'appelle Lower Coast Skies. Ils ont repris la chanson thème Nothing's Gonna Stop Me Now, la chanson thème de Perfect Strangers. Ça sonne comme un thème de sitcom, évidemment, parce que tous les thèmes de sitcom se ressemblent. Oui, on s'entend là-dessus. Surtout que dans ces années-là, c'était pas mal. Les sitcoms étaient toutes faites par la même compagnie, genre, sur la chaîne ABC. Donc, ils engageaient tout le même chanteur. Fait que ça sonnait tout pareil. Puis il y avait tout le temps le même beat. Genre, c'est à peu près ça. Surtout entre les scènes. C'est cliché, les entre-scènes des sitcoms. Mais c'est de toute beauté. Moi, je trippe là-dessus. Il y a une beauté de parodie là-dessus, en plus. Ah, wow! Sky's the limit. Sky's the limit, comme dans Lower Coast Skies. C'est ça que t'essayais de faire. Exactement. Hein? C'est beau, hein? Quand même, on se créerait... Assemblage Requis. Assemblage Requis. C'est pas pire, hein? Sometimes the world is perfect, nothing to rearrange. Sometimes you just get a feeling like you need some kind of change. No matter what the odds are this time, nothing's gonna stand in my way. Just flame in my heart like a... Non, tu ne fais pas ça. Non, méchant YouTube. Just flame in my heart like a lost friend. Cause every dark tree, a light at the end. Standing tall on the wings of my dreams. Rising low on the wings of my dreams. Rain and thunder, wind and haze. I'm bound for better days. Bound for better days. Kind of change. Sometimes the world looks perfect, nothing to rearrange. No matter what the odds are this time, nothing's gonna stand in my way. This flame in my heart like a long lost friend. Cause every dark tree, a light at the end. Standing tall on the wings of my dreams. Rising low. Wings of my dreams. Rain and me sens ado, là. C'est beau, hein? Je me sens ado. Un peu à la American Pie. Ah, j'aime les sitcoms américaines, c'est comme ça. Donc, Perfect Strangers, chanson thème refaite par Lower Coast Skies. En français, la série, j'ai vérifié, s'appelait Larry et Balky. Oh. Les noms des personnages. Et voilà. Facile un peu. Aussi facile que ça. Parce que c'est tellement difficile de traduire Perfect Strangers. T'sais, sinon, attends un peu, qu'est-ce qu'on trouverait bien? Parfaits étrangers. Mettons, c'est facile, ouais, un peut-être. Peu. Des étrangers parfaits. Ouais, peut-être. Drôles d'étrangers. Ça fait très français comme traduction, tu sais. Un étranger dans le placard. Oui, oui, exactement. Donc, c'est comme en 150 épisodes diffusés un petit peu partout à la télé en ce moment même. Il y a des reprises de ça sur je crois que c'est soit Comedy Gold ou Deja Vu, mais il y avait un marathon de ça pendant les fêtes. J'en ai écouté comme une vingtaine. Ils rejouaient tout à les mêmes, mais je les ai vus comme plusieurs fois chaque. Ben, il t'en reste quand même une centaine. Il m'en reste une centaine. Une centaine, en fait. C'est ça qui sont drôles. T'sais, c'est drôle. Il y a 150 épisodes, mais ils choisissent genre 10-15 épisodes, puis ils jouent en boucle toute la journée, ouais. Puis ils appellent ça un marathon. Bravo. T'sais. Ouais. Bravo. Donc, c'est l'histoire de Larry, un habitant de Chicago un peu snob qui partage son appartement avec son cousin Balky. Allez voir sur Wikipédia pour en savoir plus. Mon coup de cœur n'était pas sur la série Perfect Strangers, même si j'aime bien des comédies clichés comme ça, c'était surtout sur la chanson. Sur la chanson thème. The Chanson, j'avais peur. Oui, The Chanson. The Chanson. Voilà pour Tu manges mon cœur, la chronique de coup de cœur d'Assemblage requis. On va revenir tantôt pour se dire au revoir, mais j'ai envie d'écouter une pièce de Damien Robitaille entre tout ça. Et j'ai envie vraiment, vraiment beaucoup d'entendre une pièce qu'on n'a pas encore écoutée ici à Assemblage requis. Que dis-tu de quelles sont les chances? Ben oui, c'est quoi? Je savais pas que c'était. Quelles étaient les chances que j'écoute cette chanson? Oh, celle-là était vraiment tirée par les cheveux. Je vais juste peser sur le bouton. Oui, faisons ça. Okay. Faisons ça. Avec la chance, il y aura de la romance. Nos cœurs vont s'aligner. Trouver l'amour, c'est un coup de dé. Quelles sont les chances qu'on se croise dans la rue? Quelles sont les chances d'une rencontre imprévue? Il y a tant de gens qui se promènent dans la ville. Si mes calculs sont bons, j'ai une chance sur 100 000. Je ne suis pas né. Quelles sont les chances? Ah, que c'est beau de voir danser comme ça en studio, ah, Mathieu. Merci. Je savais pas que tu maniais tant bien le pas. Je mets bien mon micro. Oui. Prends les gauches. Micro phallique. Donc, c'était un hommage, j'espère, à Fernand Gignac. Oui, ce fameux. Michel Louvain. C'était, disons-le, quand même une chanson un peu kitsch. Là. C'était langoureux. Oui, vraiment. Ouais. C'était bizarre un peu. Les deux gars dans le studio. C'est bizarre. Ça montre qu'est-ce qu'on va avoir comme plaisir pendant les prochaines semaines, animés ensemble. De l'amour. Oh, oui, plein d'amour. Demi Robitaille, et quelles sont les chances? On remercie les gens qui ont participé à l'émission d'aujourd'hui, c'est-à-dire Véronique Mire, Simon Fitzbé, vous à la maison, toi Jean-Philippe. Merci, toi Mathieu Plante. Merci beaucoup. Restez à l'écoute parce que le dîner de con s'en vient à 11h avec Denis Janvier. Demain, à l'émission, on aura Michel Lebrun, sa chronique judiciaire, juridique et justice panier salade. Mm-hmm. Et Anne-Julie Durocher avec l'index. Mais voilà. Est-ce que toi, tu seras là, Mathieu? Moi, je pense fortement à être là demain. Moi aussi, j'y tiens. Je vais tout déplacer mes autres projets du matin. Oui, dormir. Dormir. Déjeuner, apparemment. Aujourd'hui, j'ai pas déjeuné. Ah, coquin. C'est important. On va se quitter avec une pièce de Sweetheart Sebastian où ça s'appelle « Oui, que je t'aime ». Ah, voilà. C'est le début d'un grand amour ici. Assez fou. On va en avoir du plaisir. Disons ça comme ça, ou... On va rester à 2 mètres comme ça tout le long. On peut peut-être se rapprocher. Ouais, si tu veux, j'irai à côté de toi demain. Des rapprochements. Sweetheart Sebastian, bonne journée. À demain. À demain.